Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Terminologie d'un épisode de South Park sur la victoire d'Hillary Clinton est réécrit en vitesse. C'est comme l'histoire des États-Unis qui va être réécrite à la va-vitesse. Va-vite. Dans le segment Geek Célix, il y aura plus de figurines Lego que d'humains sur Terre d'ici 2019. Certains ont comme fantasme de se faire piler dessus. Ça doit faire moins mal que de piler sur un Lego. Et dans Merci Science, des singes paralysés remarchent grâce à un implant au cerveau. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Et voici celui qui croit que ce sont les singes qui ont pesé dans la balance pour faire gagner Trump, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 14 novembre 2016, comme toujours la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment geek CNX. Plus tard ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec Samuel Girard, on va parler de la Nintendo Switch. Mais pour commencer par contre, pour faire changement un petit peu, on commence en chronique tout de suite. Pour la première fois je crois à vie, hein? C'est le fun de le souligner. Donc voici la première partie du segment geek CNX. On commence l'émission avec le segment Geek CNX, la première partie sur les transports et tout ce qui a rapport avec les voitures, les vélos, les drones, peu importe, pour faire suite à l'émission d'En Piste avec Tania Baudin qui est juste avant nous en direct le mercredi. Donc commençons par Vespa. Je demandais tantôt à Tania si c'est pas une Vespa. C'est clair que non parce qu'on parle de scooter électrique. Vespa qui saute le pas et passe enfin à l'électrique. Si vous deviez citer une seule marque de scooter, quelle serait la première qui vous viendrait à l'esprit? Nous demande Uber Gizmo. Ben, tout le monde dirait peut-être Vespa, au moins dans le haut du classement. L'enseigne est toujours aussi populaire et pour ceux qui apprécient ses produits mais qui sont soucieux de l'environnement, et il y a une bonne nouvelle, la marque a donc annoncé que ses équipes envisageaient sortir une version électrique du modèle classique nommé simplement l'Electrica Concept. Le design sera donc assez similaire à celui qu'on connaît, si ce n'est qu'évidemment le moteur sera électrique et donc non polluant. Malheureusement, les détails manquent, que ce soit concernant le prix, la disponibilité, la gamme ou encore l'autonomie et le temps de chargement. Les spéculations vont tout de même bon train et connaissant le positionnement de la marque, il est possible que le joujou coûte dans les 10 000 $. Image de marque oblige. Les fans vont devoir se croiser les doigts pour que ce ne soit pas le cas. L'engin n'est pas encore sur le marché. Est annoncé donc une production pour la seconde moitié de 2017. C'est assez vague, mais donc patience pour les fans de Vespa. Ensuite, on parle de drone. Un drone minuscule pour commencer qui porte très bien son nom, Piccolissimo. Des chercheurs nord-américains ont conçu le plus petit drone au monde doté d'une alimentation autonome. Baptisé Piccolissimo, il ne mesure que 28 mm de diamètre et pèse moins de 2,5 grammes. Ce type d'appareil pourrait être équipé de caméras ou de divers capteurs et évoluer en groupe lors de missions d'exploration de zones inaccessibles ou dangereuses. Ingénieurs et chercheurs explorent depuis de nombreuses années déjà les possibilités de miniaturisation des drones. L'idée est de créer des flottilles ou des essaims de ce type d'engin qui pourraient aller polliniser des cultures, effectuer des missions de surveillance météorologique, environnementale ou policière. Dès 2008, on parlait sur Futura du Delfly Micro avec ses 10 cm de long pour 3 grammes sur la balance. Plus récemment, l'université Harvard a créé le RoboBee, un micro-drone dont le vol est inspiré de l'abeille et dont la taille est en gros la moitié de celle d'un trombone de bureau. Donc voici qu'arrive le Piccolissimo, du mot italien qu'on peut traduire par minuscule. En effet, ce petit engin revendique le titre du plus petit drone au monde doté d'une alimentation autonome, en l'occurrence une batterie lithium polymère. Piccolissimo a été créé par une équipe de l'Université de Pennsylvanie qui s'est servi des pièces de drone miniature vendues dans le commerce. Le châssis de forme circulaire a été créé par impression 3D. Deux versions ont été fabriquées, l'une fait 28 mm de diamètre et pèse environ 2,5 grammes. Le second, Piccolissimo, est plus grand, 39 mm, et pèse aux alentours de 5 grammes, mais il a l'avantage d'être contrôlable à distance. Impressionnant quand on sait qu'il a seulement deux parties mobiles, une hélice et le châssis lui-même. L'hélice mue par un mini-rotor tourne dans le sens inverse des aiguilles, tandis que le châssis du drone tourne dans le sens horaire. En jouant sur les changements de vitesse et la position décentrée du moteur, il est possible de provoquer un changement de direction. Piccolissimo peut emporter l'équivalent d'un gramme de charge utile. Ça peut aussi, ça peut sembler évidemment pas grand-chose, mais c'est en tout cas assez suffisant pour... C'est suffisant pour embarquer une caméra miniature ou un capteur. On pourrait par exemple imaginer un groupe de drones de ce type équipés de caméras, de capteurs de radiation et d'accéléromètres aller reconnaître une zone irradiée ou polluée suite à un accident ou une catastrophe pour éviter de risquer des vies humaines. Peu onéreux à produire, ces micro-drones pourraient même avoir un usage unique. Les Piccolissimo étant construits avec des pièces de drones du commerce, les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie assure qu'il pourrait concevoir des modèles encore plus petits à mesure que les composants seront miniaturisés. Toujours dans les drones, avec le Drone Shooting Star, Intel réinvente le feu d'artifice. Petit à petit, d'un rachat à l'autre, Intel est en train de renforcer sa position sur le marché des drones. Après avoir acheté Ascending Technologies et réinventé le Falcon 8 et Mavinci GmbH, la société américaine dispose maintenant d'un bon savoir-faire pour la production d'engins volants. Intel n'a ni plus ni moins que battu un nouveau record du monde, celui de la plus grande flotte de drones volant simultanément. Au total, ce ne sont pas moins de 500 appareils qui ont décollé dans le ciel de Munich, où est basée sa filiale Ascending Technologies. Le drone en question était spécialement conçu pour l'occasion. Il s'agissait du Shooting Star, un appareil spécialisé pour les spectacles de lumière. Compact, léger, moins de 500 grammes, il ne comporte aucune vis, résiste à la pluie et est protégé des autres par une cage métallique. Tous les Shooting Stars sont gérés depuis un logiciel unique qui définit les mouvements de la flotte et pilote aussi l'éclairage. Si vous voulez assister à l'un de ces feux d'artifice modernes, il faudra prendre votre mal en patience, nous dit l'article. Le Shooting Star n'est pas prévu pour être commercialisé, mais on espère qu'il inspirera d'autres sociétés. En attendant, on peut toujours aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, Airbus veut fabriquer des voitures volantes sans chauffeur dans 4 ans. On nous avait promis des voitures volantes en l'an 2000, mais où sont-elles? Vaana, c'est le nom du projet développé par Airbus, un véhicule autonome capable de décoller et d'atterrir à la verticale, ce qu'on appelle le VTOL. Techniquement, leur projet ressemble plus à un hélicoptère qu'à une voiture volante. Ça pourrait servir par contre de taxi. Zach Lovering, on dirait un objet sexuel, le directeur du projet Vaana a donné quelques infos supplémentaires. Il s'agira d'un véhicule tout électrique pouvant accueillir un seul passager. Ce projet devrait être prêt à rentrer en phase de production d'ici 4 ans, donc en 2020. Le Vaana sera équipé avec les accessoires habituels de voitures qui se pilotent toutes seules, soit le LiDAR, le radar par laser, radar et caméra. Tout ça rien que pour l'autopilote. Le projet Vaana veut fournir un service similaire à celui de Uber, sauf qu'il y aura toute une flotte de drones, mais avant que les drones puissent se déplacer seuls, il faut que leur déplacement soit autorisé. Airbus envisage un futur où les vols personnels seront très courants dans les grandes villes d'ici 2030. Bien sûr, visiter une nouvelle ville en taxi est une belle expérience, mais voler au-dessus doit être bien plus excitant, comme nous rappelle cet article. Voilà, c'est tout pour le premier bloc de CNX, celui sur les moyens de transport, surtout ce qui bouge. On aura un autre bloc plus tard sur le reste des technologies en général, mais pour l'instant, on va entendre quelques pièces de chiptune. Dos à dos, j'ai choisi quelques pièces qui sont courtes pour les jouer une après l'autre. Donc on écoute pour commencer Noémie Kay. Voici The Professor tout de suite. C'est dans le Mathieu Plante Show et ça se passe maintenant sur C'est Fou 89.1 FM. C'était Power Supply avec Ropes and Stuff, précédé de One Leg Dungeon, original soundtrack Hydra Swamp par Beat Scribe. On a débuté avec The Professor par Noé et Mike. Et maintenant, ben, vous arrivez juste à temps si vous venez d'arriver, parce que c'est d'un gamer à un autre. Avec Samuel Girard. Salut! Hey! J'entends dire qu'on parle enfin de mon sujet que j'avais hâte qu'on aborde, la nouvelle Nintendo Switch. Ouais, en fait, j'ai changé ça un petit peu. Là. Je veux parler de l'effet de Donald Trump sur les jeux vidéo. non, c'est assez. Je me sens très naïf aujourd'hui avec toi, je pense. Ben non, inquiète-toi ouais. pas. Donc, on parle de la nouvelle console de Nintendo ensemble qui va sortir au mois de mars, si je comprends bien. 2017, ouais, oui. C'est ça. Parce que là, c'est quand même le mois de mars le plus proche de nous. Là. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est justement ça qui est intéressant. Ça m'a fait douter, je pensais que c'était l'autre mars d'après, mais... Ça serait plate, ça. C'est vraiment poisson, hein? Ça n'a pas de sens. Bref, le mois de mars qui s'en vient, ça veut dire dans même pas, genre, c'est quoi, 5 mois? Moins de 5 mois. C'est ridicule comment c'est rapide. D'habitude, Nintendo annonce tellement plus à l'avance, genre à l'E3 de l'année précédente. Ouais, la sortie. Mais là, ils l'ont pas fait au E3. Non, mais ils font rien à l'E3. Ils ont gardé ça sous forme de rumeur. Ils font des capsules vidéo à cette heure à l'E3, c'est tellement poche. Ouais. Ouais, ils veulent se différencier des autres. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? J'en doute. Je pense pas, moi. Donc c'est ça. Donc, c'est le 20 octobre qu'ils ont décidé d'annoncer. Donc, oui, OK, vous vous dites c'est tard un petit peu pour en parler. Oui, mais avec une chronique aux 2 semaines, c'est que 6 jours avant, j'avais l'Extra Life. Donc, je me suis dit, on va y aller dans l'ordre. Donc, l'Extra Life et après ça, la Nintendo Switch. C'est ça, on en parle. Switch! Oui. Le nom. Pourquoi Switch? Parce que ça se débranche et rebranche de différentes configurations. Ouais. C'est un Transformers qu'on vous vend. C'est ça. C'est un décapotable, c'est un truck, c'est un camion poubelle aussi, je pense. Oui, c'est ça. Ça fait tout. C'est ça. C'est ça. Puis pour certains qui disent Nintendo, a big load of crap. Ouais, okay. Mais c'est vrai que les gens parlent beaucoup contre Nintendo, mais la chose qu'on peut dire, habituellement, avant la Wii U, c'était une machine à imprimer de l'argent. Oui. Et là, il y a eu un trou avec la Wii U, ça n'a pas du tout fonctionné. Que les gens se demandaient, ben là, la Wii U, c'est juste un complément de la Wii. Alors que c'était supposé être une nouvelle console. C'est ça. Donc, de là, l'erreur. Oui, à la place d'avoir appelé Wii 2 ou Wii The Following ou Son of Wii, ils l'ont appelé la Wii U. Faire croire au monde que c'était complètement une autre génération. Exact. Ben, faire à croire en tant que tel, c'était beaucoup plus puissant et la manette changeait tout, mais c'était compatible avec les accessoires de la Wii, fait que ça avait l'air d'une extension. Comme ça. Ça ressemblait à une Wii. Il fallait peser sur le bouton reset de la console et repartir à zéro. Et le Switch, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça. Là, il y a des gens qui disent que malheureusement, ça ressemble encore trop à la Wii U à cause que tu peux avoir la manette branchée sur le côté de l'écran. Oui, en tant que tel, c'est un peu vrai. Ouais. Mais c'est juste une des nombreuses fonctionnalités c'est de la ça. Switch. Et c'est pas du tout la même chose. Parce que quand tu vas faire ça, c'est quand tu vas vouloir utiliser ta console de façon portative. C'est ça. Parce que sinon, tu vas mettre ça dans la console et ça va être visible sur la télévision et là, tu vas avoir une véritable manette. C'est ça. La fonctionnalité console est un peu faite comme juste comme un chargeur quasiment pour C'est ça. Et envoyer les fils HDMI dans la télé, mais en tant que tel, la console, c'est ton écran. Oui. Un peu comme un iMac et son propre ordinateur. C'est ça. Donc là, t'as la puissance d'une console dans quelque chose que tu peux traîner comme ta 3DS. Ouais. Sauf sans la durée de vie de la pile, ça je suis sûr. J'ai hâte de voir la durée de vie de la pile parce que le mode portatif avec une console aussi puissante, d'après moi, tu feras pas ben long avec ça. C'est ce que je pense. Ouais. À moins que la console soit capable de s'ajuster au niveau graphique et performance, peut-être, dépendant si t'es version console ou version portable. Parce qu'on n'a jamais vu encore chez Nintendo une console qui peut s'adapter à la situation. Ça serait complètement nouveau pour eux. C'est soit juste portable ou soit juste télévision. C'est ça. Et là, ils offrent les deux. Et là, ils disent, en tout cas, ce que j'ai lu, et je suis pas super au courant, la raison de ta chronique d'ailleurs, qu'on puisse être au courant de c'est ça. Mais Nintendo a l'air de vouloir continuer d'avoir des consoles portatives quand même. Donc, ça va être une console de salon portable. Que tu vas pouvoir traîner avec toi, mais il va continuer d'avoir le successeur de la 3DS qui va suivre un jour. C'est ça, parce que là, mettons, la Switch ne sera pas la console qui va viser les jeunes enfants qui vont aller jouer à l'école avec ça, là. Je pense que le marché et les fans de jeux vidéo, là, les gamers. C'est ça. ça va plus viser le marché de celui qui veut continuer à jouer quand il doit prendre un break pour aller aux toilettes, mettons. C'est drôle. Le public cible, c'est Trump qui va aller tweeter sa toilette à 3h du matin avec sa Switch des mains. Je sais pas. Wow. J'ai vu la caricature tantôt de Trump sur sa toilette en train de tweeter et à côté, c'était Abraham Lincoln avec son grand speech. Fait que tu sais, l'image à côté de l'autre, Lincoln puis Trump qui tweet à 3h du matin. Ça, c'est la définition même d'une image vaut mille mots. C'est exactement ça. Comme tu veux. Et c'est la définition même de on ne peut pas faire une chronique sans mentionner Trump au moins deux fois. Ben, pas depuis si près semaine. De l'élection, là. Je veux dire, on a pour... En fait, je pense qu'on a jusqu'à la fin de 2016, là, à ce que ce soit récurrent dans l'actualité. On a pour 4 ans, plus les 70 jours. Non, mais je parle vraiment le boom de l'élection. Ouais, c'est ça. Après ça, il va y avoir un autre boom quand ça va devenir officiel. Ouais. Puis après ça, ça va être des par-ci, par-là, quand il va être suivi, fais et geste, que là, ça va repartir dans les médias. Ouais. Mais le boom de l'élection va être là un bout. Ouais. C'est sûr. Mais pour revenir à la Switch! Oui, je te dirais que c'est pas une plus intéressante dans le contexte du Mathieu Plancheau. Ouais. C'est ça a absolument rien à voir. C'est comme on a parlé de Trump dans la chronique d'impro cette semaine. Ah! Rapport, tu sais. Ah! Ben c'est bon, tu fais une belle continuité de la chose. Oui, c'est ça. T'sais. Bref, Switch. On était en train de dire que le public cible, c'est pour les gamers. Oui. On avait dit la même chose pour la Wii U, et je pense que les gamers se sont pas vraiment... Attachés du tout à la Wii U. C'est ça. C'est Mario Maker qui a sauvé la Wii U. Absolument. Un Mario Kart, Mario Maker... Parce que les gens, mettons, ils parlent, mettons, Donkey Kong Country, Tropical Freeze n'a pas eu le succès estimé. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que c'était ça à Wii U puis personne là. C'est ça. Mario Maker, ils ont acheté la console pour. C'est ça. La clientèle cible du Donkey Kong Country, c'était les fans des vieux Donkey Kong Country. Ouais. Ça a pas amené de nouveaux fans, ça a pas amené de gamers. Non. À jouer à ce jeu-là. T'allais juste chercher les nostalgiques. Ouais. Donc, ça aide pas. C'est ça. Puis la Wii U en tant que telle, je veux dire, le nombre de jeux, je sais pas sont à combien de nombre de jeux pour la console, mais en tant que telle, il y en a pas même versus la Wii. Ouais, aussi. Mais la durée de vie est plus courte aussi, parce qu'en tant que telle, je pense qu'on passe à une autre génération plus rapidement qu'entre la GameCube et la Wii. Et la Wii. Exact. Ouais. Donc ça, c'est un très bon exemple de pourquoi est-ce que ça a pas été un succès, la Wii U. Ouais. On se dépêche à pouvoir penser à autre chose. Ben, c'est le Windows 8 des consoles, tu sais. Genre, on se dépêche à sortir la prochaine version parce que ça a été un flop. C'est ça, exactement. Juste, ça fait étrange à dire, là, mais au niveau des couleurs, on se détache de la Wii et de la Wii U. C'est quoi, c'est gris? C'est un espèce de gris... Acier un peu? Ouais, c'est ça. Donc on essaie... Donc déjà là, ce sera pas le blanc... de la Wii, puis ce sera pas le noir de la Wii U. C'est vrai, t'as raison. On essaie d'aller plus dans le teinté, quelque chose qui pourrait un petit peu plus attirer l'œil. Mais moi, je pense que justement, tu l'as dit, côté design, les gens s'attendent à quelque chose d'un petit peu plus design. Tu vois, les Mac de nos jours, c'est t'as le noir, t'as l'acier, t'as le rose doré, peu importe. La GameCube, dans le temps, t'avais des couleurs dégueulasses comme orange brûlé, là. T'avais mauve boîte à lunch. Oui. Mais t'as eu aussi noir, t'as eu gris. Je pense que les gens s'attendent à ça. T'as besoin de classe dans ta console. Faut arrêter. Pour les consoles de salon, je pense que viser les enfants avec des couleurs enfantines. Infantiles, ça marche pas. En infantilisant la console, ça marche plus. Allez-y, là, on voit, ça fait très, très classe. Ça fait business quasiment. Tout en étant le fun pour les gens qui en ont besoin. Tu vois dans la publicité, dans leur gros trailer, t'as un homme d'affaires dans une voiture, t'as des gens sur un toit qui sont très, très genre jeune vingtaine, trendy, t'as des gens dans l'autobus. Un passe-temps pour décrocher. C'est ça qu'on essaie de vendre. C'est ça, pour les vrais. Tout le monde. Peu importe tu fais quoi, voici une console avec des jeux qui vont vous permettre de décrocher. Ouais. On vise aussi le gars, la fille d'entre 25 et 35 ans qui a trippé avec la NES. Ouais. Rétro un peu parce que la manette fait un petit peu rétro aussi. C'est le retour aux cassettes. Ouais, les cassettes aussi, t'as raison. Oui. Donc ce sera pas un des CD, cette console-là. C'est le retour à la cassette. Ouais. Première depuis la Nintendo 64. C'est vrai. Mais tu vas quand même avoir les jeux téléchargeables sur Internet, clairement. Oui. C'est sûr que ça on change pas cette formule-là. Donc, il y a des gens qui fonctionnent avec le virtuel aujourd'hui, ça doit rester. Pas le choix, sinon tu te tires dans le pied parce que c'est le futur pareil. C'est exactement. Je pense qu'ils vont vendre beaucoup moins de cassettes à cette génération-là. Puis c'est normal. Ouais, c'est normal aussi. C'est normal, mais au moins ils l'offrent. pour les gens qui veulent collectionner, les gens qui veulent ramasser ces choses-là. Tu as la possibilité d'avoir une copie physique de ton jeu qui sera pas un CD qui va pas être graffiné. Beaucoup moins facile à briser, c'est ça? C'est ça. Parce qu'on s'entend, là, les cassettes d'Atari fonctionnent encore très bien. Ouais. Et beaucoup moins facile à copier aussi. Oui, moins de piratage de jeux probablement avec des cassettes. Je sais pas. Exact. Peut-être que non. C'est que ça va être facile à pirater. On sait juste, mais on peut pas, je sais pas, parce que regarde, de tous les émulateurs avec les ROM, ils sont capables d'extraire la source des cassettes. Donc, peut-être que ça va être sous cette forme-là. On va revenir, au lieu d'avoir des disques piratés, on va juste avoir rapidement un émulateur de Switch qui va jouer les cassettes. Que tu vas pouvoir transférer des jeux sur la cassette, avoir plusieurs jeux sur la même cassette. On sait pas. On va voir. Donc, c'est ça. Les gens sont toujours créatifs dans leur façon de pirater. Mais je me dis qu'une console qui a du succès, c'est une console qui est piratée. C'est vrai. C'est ça. Ben oui. Donc tu peux pas avoir quelque chose, tu peux pas rater ton affaire en étant beaucoup piraté. Mm-hmm. Parce que automatiquement, si t'es beaucoup piraté, c'est parce que ta console est un succès. Exact. Ouais. Donc c'est ça. Donc moi je me dis tout le temps que faut pas virer fou avec le piratage. Mm. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est comment tu t'adaptes autour de ça et non comment que tu veux te battre pour enrayer ça. Ouais. Je pense que tu dépenses plus d'énergie en voulant enrayer ça qu'en t'adaptant. Mm. Mais bon, chacun sa décision rendue là. Exact. Là, on a parlé du public cible, qui est ceux qui veulent aller au-delà d'un jeu sur un téléphone cellulaire, je pense. Oui. Je pense que c'est ça. Même si Nintendo s'est lancé là-dedans aussi, il y a un jeu de Mario qui s'en vient sur le cellulaire, mais c'est un jeu de base. On veut ouais, quand Mario va courir, tu vas juste passer dans l'écran pour sauter. Ça m'a jamais attiré, ces jeux-là. Non, moi non on plus. On veut les gens qui vont aller dans un jeu et jouer longtemps dans c'est un ça. Jeu. C'est ça. C'est ça. Tout en pouvant l'avancer quand t'es dans l'autobus. Bon. Oui. Donc, on a parlé du mode, le mode console, celui que tu branches sur la télé. On a parlé du mode où tu branches les manettes sur le côté de l'écran pour avoir un gamepad. C'est ça. Mais on n'a pas parlé du fait que tu peux avoir, sans les gamepads, jouer à juste l'écran. On peut faire ça aussi. Tactile, non, il me semble. Ah, j'ai vu dans la démo. Ben, ça se peut. C'était peut-être juste moi attirer mon attention la partie tactile. C'est ça. Parce que moi, je suis pas tactile du tout. Là. Mm. Fait que moi, je me suis rendu sur la manette, mais j'ai peut-être raté cette partie-là. Je serais pas mal sûr que c'est tactile parce que t'avais la 3DS avant et le gamepad sur la Wii U, donc je penserais pas qu'il reviendrait en arrière. Ouais, c'est ça. Parce que oui, tu l'as tactile avec l'espèce de petit crayon. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, eux autres, ils disent que pour la manette, ça s'en va de deux manières. Donc, tu peux avoir de pair à la verticale par un même joueur, soit à l'horizontale, une par joueur, à la manière des contrôleurs Wii. Mm-hmm. Donc, d'avoir juste une barre. C'est ça. Et sinon, tu peux aussi jouer avec une manette qui va s'appeler Pro. Que là, c'est comme un peu les manettes que tu achètes pour la Wii ou la Wii U. Ouais, c'est la manette même chose, Pro Controller. C'est ça. Donc ça je trouve ça intéressant de ce côté-là. Et là-dessus on parle pas de d'écran tactile. OK. Mais c'est parce que la section c'est la manette, donc j'imagine que le tactile ne rentre pas dans la catégorie manette. C'est ça, exact. Donc ce que j'avais sorti, moi, c'était seulement pour la manette. Mm-hmm. Donc ça c'est intéressant. C'est ça, donc là t'es tout le temps en train de chercher justement. Je regarde un petit peu la démo en même temps pour toi. Okay, pour voir si t'es capable d'accrocher un petit peu la partie. Voir si ça donne quelque chose de plus à remarquer là-dessus. C'est le fun, la manette qui va sur les côtés peut aussi être tenue dans sa main. Oui. Comme on joue avec la remote sur le côté, ça c'est vraiment très bien aussi. C'est ça. Une autre partie qui est intéressante, c'est les jeux qui ont été annoncés. Mm-hmm. Donc on sait que le titre de lancement, le fameux launch title, ça va être Legend of Zelda Breath of the Wild, mm-hmm. qui est attendu par tout le monde. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée pour commencer. Le jeu va sortir aussi sur la Wii U. Donc ceux qui veulent pas s'acheter en partant une Switch, ben sachez qu'au moins avec votre Wii U, vous allez être correct pour ce jeu-là. Pareil comme avec la génération précédente qui l'avait sorti sur la Wii U, c'était quoi? Ouais, c'est Skyward ça. Sword. Je me rappelle pas lequel. Ouais. Dans les plus récents, je les mélange toutes. Pour la Princess Entrepreneur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sinon, on parle déjà de jeux de basket. On a les jeux de Mario, Splatoon, Mario Kart qui sont annoncés. Ils ont parlé d'un Just Dance en 2017. Okay, donc ça, maintenir ça un peu. Et sinon, on parle aussi d'un jeu comme Dragon Quest 11 mm-hmm. qui va sortir. Donc les Dragon Quest, une série de jeux très populaire auprès d'une certaine catégorie de gamers. Donc des jeux qui ont vraiment accroché à ce style-là. Donc déjà des bons titres qui donnent le goût aux gens de s'acheter la Switch. Je pense que oui. Je pense que c'est assez. On arrive vraiment avec quelque chose de nouveau, comme Nintendo sait si bien le faire. Il avait vraiment skippé laissé tomber le ballon, comme on dit, avec la Wii U, qui était vraiment rien de révolutionnaire. Le gamepad, je trouve pas que ça a amené grand-chose. Vraiment pas. Donc là, c'est ça. C'est la prochaine grosse affaire. C'est ça. Pas de rétrocompatibilité. Non, c'est triste. Donc, les jeux de Wii et de Wii U ne fonctionneront pas. La console ne lira pas non plus les jeux de DS, de 3DS. Donc, c'est peut-être parce que chaque console, depuis les dernières générations, avait tout le temps pris le plus récent. T'sais, mettons, bon, t'as eu Nintendo 64, c'était tout seul, GameCube, c'était tout seul, mais à partir de la Wii, tu pouvais jouer avec les jeux de GameCube. Oui. La Wii U, les jeux de la Wii. Puis là, non, on arrête tout ça. Ouais. Je trouve ça un peu triste là, parce que je pense que ta console peut vraiment être bonifiée quand que les gens peuvent aussi jouer leur ancien jeu. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de spécial. Donc date de sortie, 31 mars, la nuit du 31 mars au 1er avril. Là. Ok, ça a été révélé, je savais pas. Je suis en train de voir que la présentation mondiale en direct va être le 12 janvier 2017. Oui. Oui, c'est ça. Grosse affaire où ils vont vraiment tout révéler les facteurs, j'imagine. Là, c'est la vraie annonce officielle avec tout. C'est pas du fake, là, parce que les jeux qui montent dans la démo, c'est clairement des templates, là, genre c'est juste ça pour avoir l'air d'un vrai jeu. Là. C'est ça, exactement. Je pense pas que personne s'attend à ce que le jeu de Mario et de Splatoon qui monte dedans, ça va être un vrai jeu de Mario et de Splatoon qui va avoir lieu. Non, ce sera pas ça quand il va sortir. Ouais. Là, c'est juste on a le squelette du jeu. Ouais. Puis on met une partie, juste une partie, on le met vraiment en beau, présentable. Puis après ça, on retourne au codage. C'est ça. Donc, c'est souvent ça. Quoique, vu qu'on est quand même près de la date de sortie, j'imagine qu'il y a quand même une part là-dedans qui doit être du vrai gameplay. Là. C'est ça, parce que je sais pas si tu as vu, en tout cas, je sais que. Ou du moins une cinématique qu'il y a dans le jeu. Tu sais, clairement, c'est sûr que c'est le Mario qui m'attire le plus là-dedans, là, mais il y a un bout de Mario à un moment donné où il est vraiment, vraiment. Il a l'air vrai. Tu sais, je me demande si ça va être ça. Mais ça peut être des cinématiques, des fois. Des fois, ils sont bons pour nous présenter des cinématiques pour parler du jeu. Puis après ça, tu te ramasses que quand tu joues au jeu, c'est vraiment gameplay. Est malade. Oui, mais ça me surprendrait pas cette qualité-là. C'est ça. Mais en tout cas, ça m'amène à plein de suppositions. On voit qu'il y a des Wiimo, des Amiibo à côté aussi. Donc j'imagine que les Amiibo vont avoir une nouvelle version qui va fonctionner avec la Switch. Je suis sûr que les Amiibo vont avoir une utilité. C'est ça. Ça peut pas être autrement. Pas au prix qu'ils vendent, puis comment que les gens se les arrachent. Là. Mm-hmm. Donc c'est ça. Donc comme t'as dit, l'écran ce sera pas un deuxième écran, ça va être l'écran primaire. Donc ça c'est, ils veulent se détacher du côté de la Wii U avec ça. Pour l'autonomie, on parle une tablette. Ils disent-tu là-dessus? Donc, ça, c'est le genre de choses que je me demande, c'est probablement qu'on va le savoir vers la fin de le 12 janvier. C'est ça, c'est crucial, la console transportable, c'est l'autonomie. Donc, parmi les minces indices, on sait que la Nintendo Switch tournera sur une version optimisée de la puce Nvidia Tegra. Déjà utilisée, mais en l'absence d'informations sur le type de batterie, qui est déjà utilisée sur différentes tablettes, mais en l'absence d'informations, c'est difficile de savoir si son autonomie va être comparable aux tablettes. Puis des tablettes, on parle de 2h45. Ouais. Donc là, ils ont dit, si le même système, ça pourrait s'apparenter à la durée de vie d'une tablette. OK. OK. C'est ça qui est amené pour l'instant, mais plus d'informations. Le prix de vente, on parle d'un 350 à 450 $. C'est le prix de la Wii U au lancement, pas mal. C'est ça. Donc, je te dirais que c'est raisonnable, le prix d'une console, là. Ouais. Console d'aujourd'hui. Nintendo, d'habitude, au lancement de la console, inclut pas nécessairement un jeu. De base, il me semble que la Wii U, c'était Nintendo Land qui était inclus. Il l'avait dedans. Avant ça, la Wii venait pas avec un jeu. Il me semble que non. GameCube non plus. Nintendo 64 non plus. Donc, d'habitude, les bundles viennent par la suite. C'est ça. On sort au début la console, puis à un moment donné, on fait des promotions où là, la console vient avec un jeu quand les ventes commencent à rebaisser un petit peu pour aller chercher ceux qui étaient dans le peut-être ou j'atteins un meilleur prix. Ouais. Et historiquement, vers la fin de la vie d'une console, on sort une version nouvelle de la console, mais qui enlève des options. Comme la Wii avait sorti une version super rouge, genre. Oui, c'est vrai. Qui n'allait pas sur Internet. Il y avait eu la version de la Wii qui pouvait pas accepter les disques de GameCube, alors que la première version acceptait les disques de GameCube. Des fois, ça arrive comme ça. La GameCube en tant que telle, il y avait une version où tu pouvais brancher des fils composants, ouais, ceux-là. Vers la fin, tu pouvais plus l'avoir. Celle qui était vendue à genre 70$, c'est une version où tu pouvais juste mettre des fils RCA. Fait que, il y a une version qui sort vers la fin. C'est comme un peu le Xbox, puis le Xbox Arcade sorti après. C'est pour faire un dernier coup de cash. Il venait pas de disque, puis c'était juste un type de prise branchée dans la télévision, les affaires de même. Donc, c'est le genre de choses-là qui arrivent. Donc, ça, c'est pour le prix. L'interface. Donc, on essaye. Donc, eux, la manière qu'ils ont décrit ça, c'est que Donc, sur la Wii U, le système d'exploitation était lent. Les sous-menus et la boutique dématérialisée peu ergonomique et les habillages graphiques et surtout sonores loin de faire l'unanimité. Donc, ce que Nintendo semble laisser paraître, c'est que on apprend de nos erreurs et l'interface va pallier à ces défauts-là qu'on a eu sur la Wii U. Et maintenant, c'est quelque chose que je trouve bien. Donc, il s'adapte de ce côté-là. Maintenant, il va avoir aussi tout l'aspect multimédia. Donc, on parle de YouTube et Netflix, avec, par exemple, disponible qui marche sur l'interface de la console. OK, OK. Parce que sur la Wii U, tu peux avoir l'application Netflix. Il y avait même un TV qui était un genre de guide télé qui a été discontinué pendant, pendant que la console était encore active, mais ils ont complètement désactivé ça, le bouton genre t'amener à Netflix à la place de t'amener à la TV. OK. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être juste, comme sur la Wii U, des promesses où genre la, ça fonctionne mais la lenteur et il n'y avait aucune raison d'utiliser Netflix sur la Wii. Ouais, c'est ça. Mais là, ils ont l'air de dire qu'ils veulent, que ce soit utilisé pour ça. Ton centre multimédia un peu comme une Xbox, encore une fois. Exactement. Ouais, exactement. PlayStation et Xbox, ils font toutes ces choses-là. Ouais. Donc, eux autres, ils disent, ben, nous autres ici, vous allez avoir votre console dans le salon puis ça va pouvoir tout faire. Ouais. Puis je pense qu'il faudrait qu'il on va voir là, ce que ça donne parce que je pense pas qu'il y en ait parlé tant que ça. Mais côté enregistrer des séquences de ton jeu et les partager sur Internet, un peu comme la PlayStation 4 fait, je pense que pas le choix de faire ça parce que c'est ce que les gens veulent faire des let's play. Pour les YouTubers, pour les gens sur Twitch. Ouais, exact. Que tu puisses utiliser Twitch à partir de ta console. Donc ça, c'est des choses très importantes. Mm. Aujourd'hui, s'adapter à la réalité de ce que les gens peuvent utiliser. On a tellement de recours maintenant comme gamer, comme chroniqueur, quoi que ce soit. Donne des outils à ton monde pour être capable de tout faire ça. Mm. C'est la base. Puis des fois, Nintendo, c'est ceux qui passent à côté de ça. C'est vrai. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est un peu ça mon résumé de la console. On a fait le tour un peu de la manette, la console, comment ça va être utilisé, les jeux, date de sortie, les prix. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a par rapport à ça. Évidemment, on va en reparler dans le coin de la sortie. Du dévoilement du 12 janvier. Ouais, c'est du dévoilement du 12 janvier. C'est sûr qu'on revient sur ce sujet-là. On n'a pas le choix. Premièrement, je suis un fan de Nintendo, ça m'intéresse, puis tout est vendu par le vrai. Puis ce qui est le fun, c'est que comme tu as dit, on est tellement proche de la sortie que je pense qu'on peut vraiment prendre pour du cash ce qu'on voit dans les photos, tu sais. Oui, tu as l'air de pouvoir faire des matchs en réseau. Ah, OK. Avec les jeux, parce qu'on voit l'image de quatre personnes qui ont traîné leur console, leur écran, qui ont l'air de tout jouer dans le même jeu. Sans fil, bien sûr. Donc, j'ai l'impression qu'en réseau, quand tu es à proximité des gens, tu peux les inviter dans une partie d'un jeu multijoueur, puis chacun de leur console, vous pouvez jouer dans la même partie. Mm-hmm. Tu as l'air aussi de pouvoir avoir, genre, mettons, deux écrans avec quatre manettes. Oui. Contrairement à avoir quatre écrans et quatre manettes qu'il y aurait en réseau, comme c'est tu viens de dire. Fait que c'est quand même. Donc, c'est tous des avantages assez incroyables qui vont amener les gens vers cette console-là si c'est bien fait. Mm-hmm. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est de belles innovations. Nintendo qui prend encore des risques, malgré tout, pour se démarquer par rapport à Xbox et PlayStation. Sérieusement, ça risque de leur apporter. Il y a un engouement. Les gens trouvent que c'est beaucoup mieux que ce que la Wii et la Wii U offraient. C'est beaucoup plus le feeling console que plutôt avec, avec le motion capture, ces affaires-là. Ça a donné un boost au début de la Wii, puis après ça, les gens pensaient à autre chose. Ben, ils voulaient revenir. Au début, c'était le fun, mais t'étais obligé d'utiliser. Il y avait des jeux qui amenaient le shakeage de la manette pour rien. Il fallait que tu t'en sers, puis t'avais pas besoin de t'en servir. Exactement. Alors que là, mettons, ils ont annoncé Just Dance, donc il va y avoir encore du motion capture. Ouais. Mais ça a l'air d'être juste, ben gamme. C'est si on veut l'utiliser, ben on vous l'offre, mais c'est plus le cœur de notre console. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, moi aussi, je pense que oui. Puis je pense que toutes les autres compagnies l'ont de toute façon réalisé. C'est Kinect vient plus avec la console, faut que tu l'achètes à part si tu le veux. PlayStation Move, c'est quasiment mort. Ouais, c'est ça. C'était une parenthèse dans l'histoire des jeux vidéo, je pense, le motion capture obligatoire, mettons. Ouais, c'est motion, ça. Mais c'est bien d'avoir amené ça. Ça a amené des innovations, ça a fait vendre, ça a permis à du monde de bouger. Mais là, maintenant que le trip est passé, que la nouveauté est passée, ça doit être un à côté que tu continues d'offrir et non le point majeur de ta console. Même chose pour le 3D, c'est la 3DS. Les gens, on s'en sert pas nécessairement, puis là, ben, ils nous le forcent plus vraiment. T'sais. C'est ça. Tu peux utiliser si tu le veux, mais t'es pas obligé. Exactement. Puis ça, je pense que c'est très important. En passant, j'ai reçu ma 3DS avec la Capture New Card. La new 3DS Excel. Excel avec la Capture Card intégrée. Hein? Oui? Hein? Oui? Non? Hein? Raconte-moi ça. Ben, c'est avec ça. Avec une carte de capture pour pouvoir jouer sur Twitch avec? Oui. Je vais être capable de faire afficher sur un écran ce que je joue sur ma 3DS, les deux écrans vont s'afficher. Mais est-ce que ça, est-ce que c'est un modèle pour développeur fait par Nintendo ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? Non, c'est quelqu'un qui hack la console. C'est quelqu'un qui ouvre la console et qui vient souder ce qu'il faut à l'intérieur, qui referme ta console puis qui rajoute l'ouverture supplémentaire. Vous venez juste brancher un fil qui va rentrer dans l'USB de ton ordi. Ah, c'est donc bien cool ça. Oui, mais ça coûte un bras. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est à cause du taux de change. Là, dans le fond, je leur ai dit. Achetez-moi une console. Ouais. Parce une nouvelle tu peux console. Fournir ta propre console. C'est ça, tu peux leur envoyer. Moi, je dis, achetez-moi une nouvelle console. Ça me tenterait pas de me concentrer puis de leur envoyer la mienne. Donc là, maintenant, j'ai deux 3DS. J'ai une 3DS XL puis j'ai une New 3DS XL. Ça, pour vendre la pas New. Je suis collectionneur, je vais peut-être garder. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Ouais, c'est ça. C'est mon petit côté. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai fait ça. J'ai dit, achetez-moi une New 3DS XL, puis installez-moi tel capture card, puis je vous paye aussi les frais d'installation. Ouais. Ça revenait à 500 CUC. Ah, c'est même pas si pire que ça, US. US, mais le problème, c'est qu'en canadien, c'est tombé à 800 CUC. Ah, c'est vrai. Mais c'est en tant que tel. Pour ce que c'est, pour ce que tu vas en faire, ça pourrait devenir rentable. C'est ça. Donc là, je vais commencer à diffuser. En fait, je voulais surtout l'avoir pour la sortie de Pokémon Sun and Moon, qui est le 18 novembre. Ouais. Donc, très, très bientôt. Ben oui. Très, très bientôt. Donc, c'est ça. Donc, je voulais surtout l'avoir pour pouvoir diffuser ça. Et puis, en même temps, une autre affaire que je vais pouvoir parler à la prochaine chronique, du 25 au 27 novembre, je m'en vais au Meltdown à Montréal, donc le bar sportif. Et pendant toute la fin de semaine, de l'heure du souper le vendredi jusqu'à l'heure du souper le dimanche, c'est un marathon de Metroidvania. Okay. Donc, Metroid Castlevania. Et Castlevania. Donc, ce style de jeu-là. Donc, un monde ouvert où tu dois ramasser des objets, des upgrades pour pouvoir progresser dans le monde ouvert. Mm. OK? Et on m'a obligé à présenter. Donc, les organisateurs m'ont couru après pour que j'aille présenter un jeu. Hey, est-ce que tu leur as suggéré de changer de nom pour un Samuel Down? Samuel Down! Oh, wow! Ouais. Non. Non? OK, non. C'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est ça, tu l'as. Ouais, je te laisse t'occuper de cette partie. C'est ça, j'ai réussi à faire passer Banjo-Tooie pour un Metroidvania. Comment? J'ai réussi à faire passer. OK, parce que dans. Ouais. Ils ont accepté y a une de liste l'intégrer. De jeux. C'est pas juste des Metroid, c'est pas juste des Castlevania. Okay. Tous les jeux qui ont ce format-là peuvent être acceptés. Mais il était pas certain pour Banjo-Tooie. Avec raison. C'est un jeu de plateforme. Ouais. Mais il y a un côté Metroidvania. Okay. Dans Banjo-Tooie, c'est quand même un open world parce que tous les niveaux connectent ensemble. Ah, c'est ça la différence. Et t'as besoin d'apprendre des techniques pour pouvoir progresser et revenir tout le temps sur tes pas, compléter des trucs dans les niveaux. Okay. Puis tu dois ouvrir des portes entre les niveaux pour pouvoir connecter. Sans excuse. T'aurais pu faire entrer un Donkey Kong 64 quasiment même. Ah, il peut être accepté lui aussi. Mm-hmm. Même principe. Donc c'est ça, donc il y a des jeux que parce que sinon je pense que c'était trop encadré puis il y aurait manqué de monde. Ouais. Donc un moment donné je leur ai dit ben regarde, acceptez ces jeux là qui sont plus sur la limite platformer 3D Metroidvania et ça fait plus de monde. C'est ça, c'est ça qu'on va avoir du Donkey Kong 64, Banjo-Tooie et Conker's Bad Fur Day. Ah. Donc je pense que c'est positif puis même à ça je pense qu'ils cherchent encore du monde pour compléter leur ère. Génial. Donc c'est ça, c'est le risque de faire une thématique aussi stricte. Donc, les gens ne présentent pas les jeux qu'ils veulent, mais ça va être très intéressant pareil. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment thématique. Et encore une fois, c'est pour ramasser des fonds. Là, je ne me rappelle pas la cause, là, c'est pour une maladie très spécifique. Là. Mais c'est encore une fois, c'est tout l'argent qu'on va ramasser pendant cette fin de semaine-là, ça va aller pour une fondation. Donc, on va en parler dans la prochaine chronique, tu dis. Oui, c'est ça. Génial. C'est ça. Ou sinon, l'autre d'après, là, je vais voir comment j'organise mes sujets. Là, mais c'est sûr que j'en reviens là-dessus. Une nouvelle sortie de console, on sait pas. Peut-être qu'ils vont annoncer une nouvelle console portative, vraiment, Nintendo, peut-être un Game Boy. Ouais, c'est ça. Il y a le point aussi que ma dernière chronique, c'est l'Extra Life. Ouais. Là, on parle de la Switch, puis l'autre chronique d'après, ce sera encore un événement marathon. Fait que ça se pourrait que je l'organise différemment. Je vais voir. Mais c'est sûr que je vais revenir là-dessus. Ouais. Donc, aux deux semaines, on te retrouve pour un gamer à l'autre. On te suit à Génie en Liberté les jeudis matin à 9h30. Matière Noire les mardis, soir à genre 21h. Ça, j'ai dit. C'est ça. Après réanimation. C'est dur à retenir ces maudites affaires là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait beaucoup de choses d'une semaine, hein. C'est ça. En tout cas, merci Sam. C'est un plaisir. Merci à toi. En dehors deux semaines. Merci. We'll be right back. Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante. On a passé un gros moment avec Samuel Girard, on a vraiment aimé parler de la Nintendo Switch. On le retrouve dans deux semaines, mais ça veut dire qu'on a pris vraiment beaucoup de retard. Hein? Donc allons-y tout de suite avec Television Television. Television Télévision, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, tout ce qui s'est passé au Québec, au Canada, dans le reste du monde et sur Internet depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec Bernard de Rome, qui est lauréat du prix Guy Moffett. Grâce à l'ensemble de sa carrière journalistique, Bernard de Rome est le nouveau récipiendaire du prix Guy Moffett du Québec. Il a reçu cet honneur récemment. Rouage important de la salle des nouvelles de Radio-Canada pendant quelques 40 ans, l'homme de 72 ans est associé à la tenue d'événements marquants, tant sur les scènes provinciales et nationales qu'internationales. Il a notamment accompagné de nombreux téléspectateurs lors de soirées électorales. Dans un communiqué, Louis Lalande, vice-président principal de Radio-Canada, a fait l'éloge de celui qui a été longtemps chef d'antenne du téléjournal, un poste dont il a hérité à l'automne 70. Décerné chaque année depuis 2011 à un artisan de la radio ou de la télé, le prix Guy Moffett a d'abord été remis à Jeannette Bertrand, puis à Jacques Languérand, Daniel Bertolino, Lise Payette et Jean Bissonnette. Félicitations. Ensuite, on reste au Québec pour la diffusion de 22-11-63 et Lethal Weapon, surprise 2. Dès le 22 novembre, la chaîne ajoutera à sa programmation des séries récentes et diffusées en primeur qui nous replongent dans nos souvenirs. Ça va faire bizarre un peu, c'est des séries récentes à Prise 2, mais des séries qui rappellent le passé. Hein? Depuis 10 ans, Prise 2 qui propose aux téléspectateurs les meilleurs souvenirs de la télé et du cinéma, et bien à compter du 22 novembre, la populaire chaîne bonifiera son offre avec l'ajout de séries récentes basées sur des thèmes qui ont marqué l'imaginaire ou l'histoire. S'il existe un événement qui a marqué particulièrement l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est l'assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas. Et bien justement, pour donner le coup d'envoi à cette nouvelle offre, Prise 2 va diffuser l'adaptation de l'œuvre de Stephen King 22-11-63, qui, oui, est un titre particulièrement français, parce que la version originale est 11-22-63, parce qu'on met tout le temps l'année, le mois en premier, et ensuite le jour, et ensuite l'année. Ça met en vedette James Franco et Sarah Gaydon. Et si vous aviez le pouvoir de changer le cours de l'histoire? C'est le résumé de la série. C'est la destinée du professeur Jake Epping qui se voit confier la mission de retourner dans le passé pour empêcher le meurtre du président Kennedy par Lee Harvey Oswald. Parviendra-t-il à le sauver? Hein? Diffusée en primeur francophone canadienne sur Prise 2, cette série de 8 épisodes produite en 2016 a d'abord été présentée en février sur la plateforme Hulu et sur Super Channel au Canada. Ensuite, dès 2017, la chaîne proposera Lethal Weapon, une série inspirée des 4 films du même titre qui ont frappé l'imaginaire collectif. Les fans de Riggs et de Murda de la saga culte pourront suivre les nouvelles aventures des deux héros sur Prise 2. Diffusée depuis le 21 septembre sur le réseau Fox et en simultané sur CTV au Canada, la série offrira toute une dose d'humour et d'action aux abonnés de la chaîne. Si je me rappelle bien, ce remake de Lethal Weapon a déjà été annulé des ondes. Je vais aller voir rapidement pour en être certain. 2016 à... Oh, ça n'a pas encore été... Attends un petit peu. Bon, le 12 octobre dernier, Fox a acheté le reste de la saison, donc 18 épisodes. Ça doit être une bonne nouvelle, hein, quand même. Donc, durant 3 semaines, les spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne pourront découvrir la programmation de la chaîne qui anime avec passion tous les publics et donc en débrouillage. Et pour tout connaître, c'est prise2.tv. 22-11-63 commence le 22 novembre à 22h avec la présentation du premier épisode d'une durée spéciale de 90 minutes. Justement, on reste dans les séries américaines rachetées par Québécois. Les fans de Frequency auront droit à une diffusion en français de cette émission aussi, lancée en octobre. C'est bien ça, en octobre, oui, à CW. Cette œuvre est une adaptation aussi d'un projet cinématographique bien connu. Frequency s'intéresse quant à elle au récit de suspense fantastique Fréquence, sorti en 2000 et dont le haut de l'affiche est tenu par Dennis Quaid et Jim Caviezel. 20 ans après s'être fait tuer lors d'une opération d'infiltration, Frank Sullivan reprend contact avec sa fille Rami, devenue policière. Enfin réunis, ils tenteront de réécrire l'histoire en évitant les conséquences désastreuses majeures. On ne connaît pas encore la date de diffusion pour Frequency, mais c'est donc Québécois Contenu qui l'a acheté. Maintenant, la série, bizarrement, normalement, ça aurait été dans le bloc de séries web, mais dans ce cas-ci, non, c'est parce que ça va jouer à la télé. Une série web qui joue à la télé, c'est pas nécessairement nouveau, mais quand même, au Québec, c'est peu fréquent. Donc, Addict TV va diffuser la série Blue Moon. Bonne nouvelle pour les adeptes de cette série québécoise, qui l'ont regardé sur le web, qui veulent la revoir, ou encore ceux qui n'ont pas, Club Illico. Donc ça va être présenté à compter du 4 janvier à 21h sur les ondes de Addict TV. Blue Moon gravite autour du personnage de Justine Laurier, une spécialiste de militaire en déminage, qui hérite de l'entreprise de son père après la mort de celui-ci. Elle prendra donc les commandes de Blue Moon, une firme paramilitaire affectée à de nombreux contrats pour des agences gouvernementales. Elle ne tardera pas à constater les activités illicites de l'entreprise et découvrira que la mort de son père cache de bien sombres secrets. Évidemment, Karine Vanasse, oui, qui joue là-dedans, le rôle de Justine Laurier, est accompagnée de Luc Picard, Patrice Godin, Éric Bruno, Karine Davernas, Isabelle Blais, Fabien Cloutier, Alexandre Landry, Charlotte Aubin et plusieurs autres. Blue Moon est scénarisé par Luc Dionne et réalisé par Yves-Christian Fournier. C'est une production de Fabienne Larouche et Michel Trudeau de chez Aetios Productions. On rappelle que 2 saisons de Blue Moon qui sont disponibles sur Club Illico en ce moment. Une 3e a été annoncée récemment parce que c'est un énorme succès, mais on n'a pas encore de date. Beaucoup de nouvelles de TVA hein, cette semaine. Allons-y avec la télé en général, les chaînes payantes, la télé canadienne en général. Les chaînes payantes spécialisées peuvent désormais diffuser de la publicité. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, aux amis du CRTC, a modifié les règles relatives à la diffusion de messages publicitaires par les services payants de télévision. Selon le règlement jusqu'alors en vigueur, il était interdit aux fournisseurs de services payants spécialisés de distribuer de la programmation contenant des messages publicitaires. Tous les services facultatifs, y compris les services payants, sont désormais autorisés à présenter de la publicité tant qu'ils respectent les autres exigences actuelles relatives à la diffusion de messages publicitaires par les services spécialisés. Ces exigences comprennent celles énoncées dans des conditions de licence à l'égard de la limite de 12 minutes de publicité par heure d'horloge et des genres de publicité, du code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants et de la fourniture de sous-titrage codé dans la publicité. Cette décision fait suite à la demande de DHX, qui est le propriétaire de Family Channel, de supprimer la restriction relative à la pub pour les services payants en faisant valoir qu'une telle restriction avait causé une distorsion de la concurrence sur le marché. On va aux États-Unis maintenant, où un épisode de South Park sur la victoire de Hillary Clinton a été réécrit en vitesse. Sur l'article de la presse, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la populaire émission américaine South Park, n'avaient pas anticipé, comme bien des gens, une victoire de Donald Trump lors de la présidentielle américaine de la semaine dernière. Pour l'émission qui devait être diffusée le mercredi juste après, intitulée The Very First Gentleman, c'est plutôt une victoire d'Hillary Clinton qui figurait au scénario où le père du personnage de Kyle obtenait un rôle dans la nouvelle administration Clinton. L'émission a dû être rapidement réécrite et rebaptisée OGs. L'essentiel du douloureux message de cette nouvelle version est qu'aux États-Unis, on a appris que les femmes peuvent devenir qui elles veulent. Sauf, bien sûr, présidente. Dans la première version de l'émission, on devait voir le directeur de l'école primaire de South Park se préparer à la visite de Bill Clinton. L'ex-président américain devait y aider les élèves à combattre la mentalité du vestiaire. Évidemment, on connaît tous la référence au dialogue de vestiaire de Donald Trump. Et justement, parlant de ça, parlant de Trump et parlant de dessins animés, dans l'émission de dimanche dernier, Bart Simpson dans Les Simpsons qui écrivait au tableau « Being right sucks ». Avoir raison, c'est nul. Donc, la semaine dernière, lorsque Donald Trump a remporté la présidence des États-Unis, certains fans de la série Les Simpsons ont découvert que les créateurs de l'émission avaient prédit un peu ce dénouement inopiné dans un épisode intitulé « Bart to the Future » présenté pour la première fois le 19 mars 2000. Comme on l'a dit la semaine passée, c'était seulement la passe où on voyait dans le futur que Lisa Simpson était rendue présidente et qu'elle faisait référence au président Trump avant elle. Tout ce que vous avez vu d'autre datait d'une capsule de 2015, l'histoire de Donald Trump qui descend l'escalator, tout ça comme de quoi que c'était de prévoir le futur. Sachez que c'est complètement faux. Ça date d'une capsule de 2015 après que Trump se soit présenté à la présidence. Revenons à l'article. La chose a fait beaucoup jaser sur l'épisode de 2000 sur les réseaux sociaux et les scénaristes actuels de l'émission ont décidé de faire un petit clin d'œil à cette histoire dans son générique d'ouverture en présentant le personnage de Bart qui écrit sur le fameux tableau noir la phrase « Avoir raison ». Chez showbiz.net, ils traduisent ça par « Avoir raison, fait chier ». OK, bon, pas besoin d'être vulgaire non plus. Vous pouvez aller voir la vidéo du générique sur assemblagerequis.com. Selon l'auteur Dan Greeny, qui s'est récemment entretenu avec The Hollywood Reporter, cette idée de Donald Trump qui remporte la présidence était en concordance avec la vision d'une Amérique qui devient folle. Et de toute façon, Trump avait déjà laissé tomber quelques indices qu'il allait se présenter un jour, même que je pense qu'il avait dit ouvertement à cette époque-là. Vous pouvez voir la séquence de nouveau si vous l'avez manqué sur assemblagerequis.com. Ensuite, une série sur les meurtres de deux rappers. La chaîne câblée USA Network travaille sur Unsolved, une série basée sur les enquêtes des meurtres des rappeurs Tupac Shakur et Notorious B.I.G. selon Variety. Les morts des deux rappeurs passionnent plus que jamais Hollywood. Disparus respectivement en septembre 96 et en mars 97, Tupac et Biggie Smalls se retrouvent au cœur d'une série qui reviendra sur les enquêtes policières sur ses fins tragiques. La fiction se basera sur l'expérience d'un ancien enquêteur de la police de Los Angeles, Greg Kading, dont l'ouvrage Murder Rap, The Untold Story of Biggie Smalls and Tupac Shakur Murder Investigations, servira de matériel pour le scénario. La réalisation de l'épisode pilote sera assurée par Anthony Hemingway, qui avait signé la mise en scène de la populaire série de FX American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, qui joue en ce moment sur la chaîne Max. Donc voilà, pour la suite, mais une série qui s'inspire un peu de l'engouement autour des résolutions de crimes du passé. Maintenant, on parle de Big Bang Theory. Est-ce qu'il pourrait y avoir un spin-off, une série dérivée sur la jeunesse de Sheldon? Les détails sont pour le moment quasiment inexistants, mais il y a une petite nouvelle. Hein? Les fans de la série The Big Bang Theory vont adorer. CBS est en négociation pour monter une série retraçant l'enfance de Sheldon Cooper. Je cite ici, « Il n'est pas fou, sa mère l'a testé. Nous en aurons bientôt la preuve puisque un spin-off serait envisagé. » Le pitch est simple, une comédie familiale centrée sur l'enfant prodige qui est Sheldon Lee Cooper. Les adeptes de The Big Bang Theory n'ont pas oublié cette réplique culte « Fondre comme une boule de neige au scanner ». Ah, eh bien, j'ai pas vu ça en français, ben. Hein? Donc, on parlerait d'une enfance passée au Texas à Galveston, une mère catholique à souhait, un grand frère et une sœur jumelle dont nous nous souvenons tous, Missy. OK, c'est bien que tu me dises ce que je connais. Je vais essayer de sauter des bouts qui n'ont pas rapport, là. Johnny Galecki et Kelly Cuoco pourraient faire des apparitions. Jeunes, évidemment, Leonard et Penny, pour ceux qui connaissent pas trop. Chuck Lorre, Steve Molaro et Parson. Donc, on parle Parson, c'est bien sûr l'acteur principal. Truc là. Caroline, quel article est mal écrit, je m'excuse. CBS n'a pas fait de commentaire, on se croise les doigts, blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, on reste aux États-Unis, en fait, on s'en va à Stranger in a Strange Land, le roman En Terre étrangère qui sera adapté par la chaîne Sci-Fi. Selon The Hollywood Reporter, Paramount TV et Universal Cable Productions travaillent sur une adaptation du roman classique de science-fiction Stranger in a Strange Land. Sci-Fi est prêt à adapter l'un des romans de science-fiction les plus célèbres jamais écrits. Le réseau de câble distribution de NBC Universal s'associe à Paramount Television et à l'entreprise Universal Cable Productions pour développer le classique de science-fiction de Robert Heinlein, Stranger in a Strange Land de 1961, en série télévisée. Brad Fisher, James Vanderbilt, Julia Gunn et William Shirak de Mythology Entertainment et Scott Rudin, Garrett Bash et Eli Bush de Scott Rudin Productions ainsi que Joe Vecchio de Vecchio Entertainment serviront comme producteurs délégués sur le nouveau projet. Stranger in a Strange Place est la troisième collaboration entre Paramount TV et Universal Cable Productions qui ont travaillé ensemble sur le projet Shooter pour USA Network et sur Pendergast pour Spike TV. Les membres de la première expédition vers Mars périrent tous sauf un, Valentin Michael Smith, né sur Mars, élevé par les Martiens, recueilli et ramené sur Terre à 20 ans par la deuxième expédition au début du 21e siècle. Physiquement, Valentin Michael Smith était humain, mentalement, il était martien. La seule analogie qui convienne pour le définir est celle des enfants loups, des enfants élevés par des loups. Mais les Martiens n'étaient pas des loups. Leur culture était plus riche que celle des terriens. Le premier problème de Mike, survivre sur la Terre. Tout lui était une agression, la pesanteur, la pression atmosphérique et surtout les hommes. Le second problème fut pour lui de comprendre en quoi les humains différaient des Martiens et pourquoi ils étaient malheureux. En Terre étrangère, qui obtint le prix Hugo, en 1962, est généralement considéré comme le meilleur roman de Robert Heinlein, lui-même l'un des plus fameux écrivains américains de science-fiction. Ce fut le livre culte des campus durant les années 60 et 70 et est devenu un classique incontesté, venant de l'auteur de Starship Troopers, qui a depuis été porté à l'écran et qui fit taxer Heinlein de militariste. En Terre étrangère, surpris par son pacifisme, son illustration de l'anarchisme et son apologie de l'amour libre. Parmi les autres projets en développement chez Sci-Fi, il y a une série de Superman du nom de Krypton, il y a Happy par Grant Morrison, un redémarrage de The Machine et l'adaptation du roman Brave New World du romancier Aldous Huxley. Donc voilà pour En Terre étrangère. On va sur Internet maintenant, alors qu'un des personnages principaux de Making a Murderer a été libéré. Un juge de l'État du Wisconsin a ordonné la libération de Brandon Dassey, un des personnages principaux de Making a Murderer, la série documentaire à succès qui a illustré les failles du système judiciaire américain. Le procureur général du Wisconsin, Brad Schimmel, a annoncé dans la foulée qu'il lancerait un recours contre cette libération accordée dans l'attente du procès en appel de M. Dassey. Le jeune homme de 27 ans et son oncle Stephen Avery ont été condamnés à perpétuité en 2007 dans cette région côtière du lac Michigan pour l'homicide d'une photographe, Teresa Halbeck. Diffusé par Netflix et sorti en décembre 2015, le docu-série Making a Murderer dissèque l'enquête sur ce meurtre en soulevant nombre d'éléments troublants. La série a lancé un débat national sur les procédures judiciaires aux États-Unis et la culpabilité ou l'innocence des protagonistes. Pour des millions d'Américains, les deux hommes ont été confondus par des investigations implacables. Pour des millions d'autres, ils ont été l'objet d'une machination ourdie par la police ou le procureur qui avait depuis longtemps la famille Avery dans le collimateur. Brandon Dassey, qui jouit d'un quotient intellectuel limité, a, selon ses défenseurs, été poussé à une confession sur des faits imaginaires lors d'un interrogatoire très controversé. Adolescent à l'époque du meurtre de Mme Halbeck, il a également été très mal défendu par un avocat commis d'office. Après la sortie du documentaire, de nombreux appels à la libération du jeune homme et de son oncle ont été lancés et une pétition a été envoyée sans résultat à la Maison-Blanche, avec plus de 130 000 signatures pour demander une grâce présidentielle. Dans une première affaire, Stephen Avery avait passé 18 ans derrière les barreaux pour une violente agression sexuelle qu'il n'avait pas commise. Il avait été innocenté par des preuves ADN et libéré de prison en 2003. Il avait été renvoyé 2 ans plus tard pour le meurtre de Teresa Halbeck, 25 ans, et purge depuis sa peine de réclusion à perpétuité. Si vous n'avez pas encore regardé Making a Murderer, qu'attendez-vous? C'est génial. Maintenant, une nouvelle web-série à découvrir sur le site de VTV et autres chaînes associées là, sur nouveau.ca, NOVO.ca, un drame sentimental lourd et intense qui propose une incursion dans le quotidien tumultueux de jeunes trentenaires montréalais. À compter du 14 novembre, donc c'est déjà en ligne, la plateforme nouveau.ca met en ligne les 11 épisodes de la web-série Supernova. Écrit, réalisé et joué par le comédien Jean-Sébastien Chartrey, ce drame sentimental lourd et intense propose une incursion dans le quotidien tumultueux de jeunes trentenaires montréalais. Ça nous transporte donc dans le quotidien de Jean-Seb, joué par Jean-Sébastien Chartrey, un chroniqueur culturel qui arrive à un point tournant de sa vie. Nouvellement célibataire, ses relations familiales sont orageuses. Au travail, il est en conflit continu avec sa rédactrice en chef. Pour évacuer la pression, il passe beaucoup de temps dans un after hour appartenant à un ami Fredo. De son côté, Joanie, jouée par Joanie Darvaux, termine son baccalauréat en théâtre, fréquente son professeur depuis maintenant un an et est sur le point de partir pour New York, où elle compte aller parfaire son art. Lors d'une soirée au bar de Fredo, Jean-Seb et Joanie font connaissance et leur destin en sera bouleversé. Avec la musique, les arts, le sexe et la drogue comme trame de fond, cette histoire d'amour laissera plusieurs traces sur son passage. Si ça vous intéresse, c'est sur noovo.ca. Et pour terminer, Jodie Foster, qui va réaliser un épisode de Black Mirror saison 4 sur Netflix. Donc, Jodie Foster qui va réaliser et Rosemary DeWitt qui sera en vedette dans un épisode de la 4e saison de la série Black Mirror dont la production devrait commencer plus tard cette année et qui sera disponible en première exclusivement dans le monde entier sur Netflix en 2017. Netflix a donné le feu vert à la production de 12 épisodes de la série anthologique l'an dernier, divisée en 2 saisons de 6 épisodes chacune. Charlie Brooker et Annabelle Jones de House of Tomorrow continueront de servir comme producteurs exécutifs et showrunners pour les nouveaux épisodes. Créé et écrit par Charlie Brooker, Black Mirror analyse notre malaise collectif avec le monde moderne et chaque épisode autonome est une histoire complexe qui se déroule dans un futur qui n'est peut-être pas aussi loin qu'on le pense. La série explore le thème de la technoparanoïa contemporaine. Sans se questionner, la technologie a transformé tous les aspects de notre vie. Dans chaque foyer, sur chaque bureau, dans chaque paume, un écran plasma, un moniteur, un smartphone, un miroir noir reflétant notre propre existence au 21e siècle. La série a été reconnue par un Emmy Award international, un Peabody Award, une Rose d'Or et a été nominée pour un prix BAFTA. D'après Charlie Brooker, chaque épisode a un casting différent, un décor différent, une réalité différente, mais ils traitent tous de la façon dont nous vivons maintenant et de la façon dont nous pourrions vivre dans 10 minutes si nous sommes maladroits. Ça a l'air fantastique comme série. Pour vrai, ça fait longtemps que c'est sur ma liste. Faudrait bien que je commence à écouter ça. Donc, Jodie Foster qui va réaliser un épisode et Rosemary DeWitt qui va jouer dedans. Voilà, c'est tout pour Television Television. On s'écoute deux petites pièces de chiptune pour enrober la publicité, comme on le fait toujours. On commence avec Obi-Wan-11. Ça, c'est le nom de l'artiste. Et voici Shistra Shine, MPS de Mathieu Plancheau sur C'est fou. C'était Mills DJ, Star Affair, Love Affair au Mathieu Plante Show. Et avant ça, qu'est-ce que c'était? C'était à Obi-Wan 11 avec Shistra. Et maintenant, c'est Merci Science. Wow, Ethan. Non, great Merci move. Science est Keep ici. Est ici. Il est ici, le petit Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Commençons avec la cigarette. Tiens, pourquoi pas, drôle de sujet avec lequel commencer, je sais, mais que voulez-vous. Une machine qui fume des cigarettes pour la science. Des chercheurs de Harvard ont mis au point une machine qui permet d'étudier les effets de la fumée de cigarette sur les cellules. Une puce modélise un poumon, oui, artificiel grâce à un micro-canal recouvert d'un épithélium de cellules pulmonaires. Fumer, c'est dangereux pour la santé, hein? Nul besoin de le répéter. C'est le mois du tabac en passant en ce moment. Vous allez peut-être être tenté d'essayer la cigarette électronique. La fumée de cigarette exacerbe la maladie pulmonaire obstructive chronique et représente un facteur de risque majeur pour le cancer du poumon. Mais comment les chercheurs peuvent-ils étudier au laboratoire les effets de la cigarette traditionnelle ou électronique sur les poumons? Jusqu'à présent, les modèles utilisés n'étaient pas très adaptés. Ainsi, les cultures de cellules de poumons ne tiennent pas compte des mouvements respiratoires. Elles sont généralement cultivées dans un liquide qui ne reproduit pas fidèlement l'interface air-liquide du poumon. Les animaux de laboratoire, comme les souris, ne sont pas satisfaisants car ils ventilent avec le nez. Enfin, idéalement, une étude sur l'effet de la cigarette doit inclure tous les composants de la fumée et pas seulement un extrait réduit à ses composants hydrophiles, comme c'est le cas dans certaines études. Pour toutes ces raisons, il devenait indispensable de disposer d'un nouveau modèle expérimental. C'est ce qu'on a mis au point avec des chercheurs de l'Institut Weiss à Harvard. Une machine qui fume des cigarettes normales ou électroniques comme un humain et renvoie la fumée sur un micro-poumon artificiel, donc une puce. Ils décrivent leur machine dans un article paru dans Cell Systems. Le principe est le suivant. La machine brûle les cigarettes et un micro-respirateur inhale et exhale le petit volume de fumée qu'il envoie dans un canal revêtu d'épithélium pulmonaire sur une puce. Les cellules proviennent soit de personnes en bonne santé, soit de patients souffrant de MPOC, dont j'ai parlé tantôt. Le milieu de culture cellulaire est alimenté en permanence par un canal en parallèle, séparé de l'autre par une membrane poreuse. Et ça crée une interface air-liquide similaire à celle présente dans les voies pulmonaires. Grâce à ce modèle, les chercheurs ont identifié une signature spécifique de la maladie pulmonaire obstructive chronique, le MPOC, en comparant les changements d'expression génique dans les puces. Les chercheurs ont aussi analysé le comportement des cils qui transportent le mucus dans les voies respiratoires. Ils ont observé que leur battement devenait hétérogène et que sa fréquence était plus basse dans les puces exposées à la fumée de cigarette entière. L'équipe a aussi montré qu'elle peut utiliser cette approche pour l'étude des effets de la cigarette électronique. Cette innovation permettra donc de mieux comprendre comment des non-fumeurs et des patients souffrant de MPOC répondent à la fumée de cigarette. Le polygraphe, on en parle souvent, ce détecteur de mensonges, et ce qui sera bientôt dépassé par l'imagerie médicale. Un article de Radio-Canada. Un examen d'imagerie par résonance magnétique du cerveau serait plus efficace pour détecter les mensonges que le traditionnel polygraphe créé en 1921 et qui mesure certaines réactions psychophysiologiques. Le psychiatre Daniel D. Langleben et ses collègues de l'Université de Pennsylvanie expliquent que lorsque l'individu ment, certaines régions du cerveau liées à la prise de décision s'activent, ce qui peut être observé à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ce qu'on appelle l'IRMF. D'autres études ont déjà montré la capacité de l'IRMF à détecter le mensonge avec une précision de 90%, tandis que la précision du polygraphe, elle, varie beaucoup. Les auteurs de la présente recherche, dont les conclusions sont publiées dans le journal Journal of Clinical Psychiatry, ont établi que des neuroscientifiques sans expérience dans la détection de mensonges étaient 24% plus susceptibles d'en détecter que des experts en la matière examinant leurs enregistrements polygraphiques. La présente étude est la première à comparer les deux techniques avec les mêmes individus et avec des balises précises. Elle rassemble des données scientifiques qui permettront éventuellement un jour d'établir que la méthode par imagerie peut être utilisée lors de procédures pénales. Le polygraphe détecte les réactions psychophysiologiques comme les pulsations cardiaques, la pression sanguine, la respiration et la transpiration d'une personne lorsqu'elle est interrogée. À l'heure actuelle, les résultats de l'examen polygraphique ne sont pas admissibles comme preuve dans le système canadien de justice pénale. Mais au-delà de la comparaison de la précision, les auteurs ont fait une autre observation importante. Dans les cas où les deux techniques aboutissaient aux mêmes conclusions, elles étaient à 100% exactes. Les chercheurs notent que si les deux méthodes semblent complémentaires, les présents travaux n'ont pas été réalisés pour tester leur utilisation combinée. Cette observation inattendue doit être confirmée par une autre expérience. En 2011, une autre technique basée sur une simple analyse du visage d'une personne lorsqu'elle parle a été présentée par des chercheurs des universités britanniques de Bradford et d'Aberystwyth. Le système de détection consiste en une caméra vidéo, un capteur photographique thermique haute résolution et une suite d'algorithmes. Aberystwyth. On sait enfin d'où vient le lithium, si cher aux batteries de nos téléphones portables. Le lithium est l'un des éléments chimiques les plus communs de notre univers. Il est aussi le plus léger et c'est pour ça qu'il alimente les batteries de nos téléphones portables. Il est aussi utilisé sous la forme de sel dans les médicaments combattant les maladies psychiques comme la bipolarité, grâce à sa propriété stabilisatrice de l'humeur. Le mystère autour de l'origine du lithium a toujours été bien épais. Les scientifiques s'accordaient à dire qu'il émanait de l'explosion d'étoiles appelée supernova, mais rien ne le démontrait clairement, repoussant à plus tard la compréhension totale des événements liés à la création de l'univers. Cette énigme est sur le point d'être résolue. Une équipe de l'Institut d'astrophysique d'Andalousie a pu observer pour la première fois l'explosion d'une étoile dénommée V5668SGR dans la constellation du Sagittaire, qui a fini par former du lithium. C'est exceptionnel d'avoir pu examiner ce phénomène et cela a été possible grâce à l'instrument UVES, le spectrographe ultraviolet, le spectrographe ultraviolet de l'Observatoire européen Astral. Pendant 80 jours, l'astre a tant brillé que les chercheurs ont pu suivre sa transformation pendant une longue période. Le beryllium s'est transformé en lithium au bout de 53 jours de processus. Les trois quarts du lithium se sont formés dans la violence des explosions. Alors, on parle d'une quantité de lithium 10 fois plus grande que celle présente dans le Soleil. Avec ces montants en tête, l'explosion de deux supernovas par an suffise pour former le lithium de notre Voie lactée. Les étoiles Nova semblent être la source prédominante de lithium dans l'univers. Il n'est bien sûr pas encore possible de savoir de quelle manière ce lithium présent dans la Voie lactée est redistribué sur Terre, mais cette ressource semble avoir encore de beaux jours devant elle. Ce métal mou à l'état pur, toujours utilisé sous la forme de composés ioniques, parce qu'il s'oxyde très vite au contact de l'air ou de l'eau, a des réserves estimées à 40 millions de tonnes en 2016, présentes notamment en Chine et en Bolivie. Le lithium aide à la fabrication de piles et de batteries rechargeables ou à haute tension et des lubrifiants spéciaux. Il participe aussi au traitement de l'air vicié par le CO2, la métallurgie, l'industrie du caoutchouc et les thermoplastiques, la chimie fine ou la production d'alliage. Le prochain article a un drôle de titre, « Le futur, c'est de la merde ». Les animaux produisent beaucoup de déchets, l'homme aussi, par extension, nous dit Uber Gizmo. Et si l'on sait aujourd'hui plutôt bien convertir ceux des animaux, la chose est moins aisée pour les déchets d'humains. Des scientifiques, ont récemment développé une méthode pour convertir les eaux usées en bio-huile. Donc le futur, comme on dit, c'est de la merde. Selon un rapport du Pacific Northwest National Laboratory, le PNNL, ces chercheurs sont parvenus à convertir des excréments en huile grâce à la liquéfaction hydrothermale, laquelle utilise de hautes pressions et des températures élevées pour achever en quelques minutes ce que la nature fait en plusieurs millions d'années. Les excréments sont chauffés à 340 degrés Celsius à travers un tube où la pression est de 210 tonnes au mètre carré. En sortie, une bio-huile qui possède de nombreuses similarités avec le pétrole classique. D'après le PNNL, une personne normale produirait entre 7,5 et 11,5 litres de bio-huile par an. C'est quand même pas si mal. On se demande si le procédé va se démocratiser un jour, seulement l'avenir nous le dira. Des bactéries volantes pour mesurer la pollution de l'air. Une équipe d'étudiants français vient de remporter la médaille d'or d'un concours international d'innovation organisé par le MIT aux États-Unis. Leur drone porte des bactéries génétiquement modifiées qui détectent les polluants atmosphériques. En volant selon une trajectoire précise, l'engin peut réaliser une cartographie en trois dimensions de la qualité de l'air à l'échelle d'une rue, d'un quartier, voire d'une ville. Ces 14 étudiants viennent de 6 écoles, SOP Biotech, IONS-STM, IPSA, IPITA, EPITECH et IARTSOP. Et ont constitué une équipe pluridisciplinaire autour de Quantify, un projet franchement original. C'est une culture de bactéries génétiquement modifiées pour réagir à la présence d'un polluant présent dans l'air. Un tel engin permet de multiplier les points de mesure dans les trois dimensions, une faculté précieuse car en ville, la pollution varie énormément d'une rue à l'autre ou d'une hauteur à l'autre. Très abouti, leur projet a été présenté lors d'une compétition internationale baptisée iGEM pour International Genetically Engineered Machine Competition, organisée à Boston par le MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology. Résultat, une médaille d'or. L'équipe a même été nommée dans trois catégories, Best Environment Project, Best Applied Design et Best Presentation. Dans son blog, le groupe IONIS, dont fait partie ces écoles, rappelle que c'est la deuxième médaille d'or obtenue en deux participations pour ses étudiants. Vous pouvez voir l'article qui date de 2016, le passé est de 2016, donc qui date de mai 2016 à ce sujet sur Quantify, sur assemblagerequis.com. Le venin du serpent corail bleu pourrait aider à soulager la douleur. Le venin de ce magnifique serpent vivant en Asie du Sud-Est contient une toxine qui pourrait aider à mettre au point de nouveaux antidouleurs. Ce joli serpent tue pourtant de manière atroce, provoquant des spasmes, une paralysie et une mort rapide. Caliophis bivirgatus ou bivirgata est un bien beau serpent, comme nous dit Futura Science, avec ses rayures bleues électriques, une tête et une queue orange. Mais comme de nombreux animaux aux couleurs voyantes, il est dangereux. Le serpent corail bleu possède en effet un venin redoutable et mortel, produit grâce à des glandes particulièrement grandes, qui s'étendent sur un quart de la longueur de son corps. Il n'existe aucun antidote contre ce venin, et ce serpent qui a causé deux décès au siècle dernier évite en général l'homme. Si le serpent corail bleu a un venin exceptionnel, c'est peut-être parce qu'il s'est spécialisé dans la prédation d'autres serpents mortels comme le cobra. Mieux vaut pour lui sans doute foudroyer ses proies. Le venin ne tue pas immédiatement, mais il fige la proie par des spasmes musculaires comme si une immense crampe s'emparait de tout le corps. Dans une recherche parue dans la revue Toxins, des chercheurs australiens ont analysé le venin du serpent. Ils ont ainsi identifié un nouveau type de toxine appelé calliotoxine qui agit sur les canaux sodium des cellules nerveuses. La toxine provoque une paralysie de tout le corps en figeant le système nerveux. Or, ces canaux sodium font l'objet de recherches car ils peuvent détenir une clé pour de meilleurs traitements antidouleurs. Ce venin frappe un type particulier de canal de sodium qui est important pour le traitement de la douleur chez les humains. Cette recherche pourrait donc aboutir à de nouveaux traitements contre la douleur. Des singes paralysés remarchent grâce à un implant dans le cerveau. On dirait la page couverture de quelque chose de science-fiction à côté du Dernière Heure. Mais non, une interface cerveau-moelle épinière permet à un singe qui a eu une lésion de la moelle épinière de retrouver l'usage d'un membre inférieur paralysé. Cette neuroprothèse qui court-circuite la lésion est également testée chez l'homme dans un essai clinique à l'hôpital universitaire de Lausanne. Le 23 juin 2015, un premier singe macaque porteur d'une lésion de la moelle épinière a pu retrouver le contrôle d'un membre inférieur paralysé et donc de remarcher grâce à une neuroprothèse appelée interface cerveau-machine qui court-circuite la lésion. Ce système est capable de restaurer la communication entre le cerveau, qui est le lieu de genèse des actions volontaires, et la région de la moelle épinière produisant les mouvements des membres inférieurs. Cette interface cerveau-machine enregistre l'activité cérébrale liée à l'intention de marche, la décode et transmet cette information à la moelle épinière sous la lésion. Cette transmission est assurée par des électrodes qui stimulent les réseaux nerveux, activant les muscles des jambes pendant la locomotion naturelle. Ainsi, seuls les mouvements souhaités par le singe sont produits. Cette neuroprothèse a été conçue à l'EPFL, à Lausanne en Suisse, et techniquement développée par un groupe international composé de Medtronic aux États-Unis, de l'Université Brown aux États-Unis, et le Fraunhofer ICT IMM à Mayence en Allemagne. Elle a ensuite été testée chez le primate en collaboration avec l'INSERM, le CNRS, l'Université de Bordeaux et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne en Suisse. Les résultats ont été publiés le 9 novembre dans la revue Nature et c'est la première fois qu'une neuroprothèse restaure la marche chez le primate. Les deux singes ont été capables de remarcher immédiatement après la mise en fonction de la neuroprothèse. Aucun entraînement n'a été nécessaire. Il faut toutefois conserver à l'esprit les nombreux défis qu'il reste à relever. Même si les essais cliniques débutent, ça prendra quelques années avant que de telles approches soient disponibles en clinique pour l'homme. Toujours dans le cerveau, la conscience localisée par des scientifiques de Harvard. La conscience semble reposer sur trois régions clés, l'une située dans le tronc cérébral et reliée aux deux autres situées dans le cortex. Cette découverte réalisée grâce à l'étude de personnes dans le coma ou dans un état végétatif pourrait aider à trouver de nouveaux traitements, pour ces patients. Définir la conscience n'est pas simple, cette notion se trouvant au carrefour de plusieurs disciplines, la biologie, la psychanalyse, la philosophie. Les anglo-saxons utilisent même deux mots liés à deux concepts différents pour la conscience. Donc la conscience dite « consciousness » se décompose en deux composantes, l'éveil qui est « arousal » et la conscience dite « awareness ». En psychothérapie, l'awareness décrit une conscience de soi qui tient compte de l'expérience du corps et des émotions ressenties. La consciousness est plutôt une conscience réflexive, attentive, qui se pose pour observer et met des mots sur l'awareness, qui se situe donc plus en amont. La prise de conscience décrit ainsi le passage de l'awareness à la consciousness. Hein? C'est compliqué ça? Allez voir l'article pour le lire vous-même. J'aimerais ça le relire une deuxième fois, mais bon. Mais en neurologie, ça c'est mon cerveau à moi qui aurait besoin de le lire deux fois, mais vous êtes sûrement correct, fait que je vais passer. Mais en neurologie, où siège la conscience dans le cerveau? Pour ce qui est de l'état d'éveil, le arousal, il est contrôlé par le tronc cérébral, la partie du système nerveux central qui relie le cerveau à la moelle épinière. La localisation de la conscience, qui est l'awareness, était plus floue jusqu'à présent, même si elle était plutôt pressentie comme étant quelque part dans le cortex. Grâce à des chercheurs de Harvard, on connaît désormais non seulement la région précise du tronc cérébral liée à l'éveil, mais aussi les deux régions du cortex qui travaillent ensemble pour former la conscience. Pour en arriver là, l'équipe a étudié 36 patients qui avaient des lésions du tronc cérébral, dont 12 étaient dans le coma et 24 étaient conscients. Ces travaux sont présentés dans la revue Neurology. Les chercheurs ont trouvé qu'une petite lésion du tronc cérébral appelée tegmentum pontique était associée avec le coma. 10 des 12 patients inconscients avaient des lésions dans cette zone et seulement un chez les patients conscients. Cette petite région du tronc cérébral est importante pour la conscience. Pour savoir quelle région du cortex était connectée au tegmentum pontique, les chercheurs se sont servis d'une carte cérébrale d'un cerveau en bonne santé. Ce connectome permet de voir les différentes connexions cérébrales connues. Les chercheurs ont ainsi identifié deux aires du cortex liées au tegmentum pontique, l'insula antérieure ventrale, et le cortex cingulaire antérieur prégénual. Les chercheurs ont alors vérifié leurs résultats grâce à des IRM fonctionnels, on en parlait tantôt, de 45 patients dans le coma et dans un état végétatif. Ils ont montré que chez eux, le réseau était rompu entre les trois régions identifiées. Pour la première fois, ils ont donc trouvé un lien entre la région du tronc cérébral impliquée dans l'éveil et les régions impliquées dans l'awareness, deux conditions préalables à la conscience. Beaucoup de preuves ont été réunies pour montrer que ce réseau joue un rôle dans la conscience humaine. Cette recherche pourrait donc aider à trouver de nouveaux traitements pour les patients qui sont dans le coma ou dans un état végétatif afin qu'ils reprennent la conscience. La stimulation cérébrale, on reste encore dans le cerveau, testée par l'armée américaine sur des militaires. Les militaires sont parfois placés dans des situations complexes nécessitant de prendre des décisions rapides tout en assimilant un grand nombre d'informations. Pour les aider, la US Air Force a testé l'électrostimulation cérébrale. Les opérations militaires nécessitent parfois que les personnels effectuent des actions complexes où ils doivent être multitâches et sont placés dans des situations les contraignant à traiter une masse considérable d'informations en même temps sous une pression forte, de quoi atteindre les limites de leur capacité. Par exemple, dans l'armée de l'air, les pilotes de drones doivent rester concentrés durant de longues périodes pendant lesquelles ils répondent à de multiples sollicitations. D'une manière générale, les performances de l'humain ont tendance à diminuer quand ils sont surchargés d'informations. C'est pourquoi l'armée de l'air américaine a mené une étude pour évaluer l'efficacité de l'électrostimulation cérébrale dans un contexte multitâche. La technique employée était celle de la stimulation transcrânienne à courant direct, le TDCS, appliquée sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Les kits de stimulation cérébrale utilisent des électrodes qui envoient un courant électrique faible à travers le crâne dans des zones spécifiques du cortex. Cette stimulation transcrânienne a montré son efficacité pour améliorer la vigilance, l'attention, la mémoire de travail et la coordination motrice. 20 militaires, donc 16 hommes et 4 femmes âgés en moyenne de 31 ans de la base de la US Air Force de Wright-Patterson en Ohio, ont participé à l'expérience et se sont soumis à un test développé par la NASA pour évaluer leurs compétences dans une opération multitâche. Ce test consistait à maintenir une croix dans un cercle en mouvement sur un écran tout en répondant à 3 autres tâches sur l'écran. Pour savoir si la stimulation transcrânienne améliorait les performances, la moitié des volontaires a reçu un courant constant de 2 mA pendant les 36 minutes du test. Les autres participants formaient un groupe témoin qui n'a eu que 30 secondes de stimulation au début du test. Les résultats montrent que l'électrostimulation cérébrale améliorait les performances. Le groupe qui a reçu la stimulation cérébrale a commencé à avoir de meilleures performances que le groupe témoin après 4 minutes de test. La TDCS est présentée comme une alternative saine. Pardonnez-moi, à l'utilisation de molécules comme le modafinil ou la ritaline qui auraient servi à stimuler les performances des forces armées d'après le Guardian. Cependant, les effets à long terme de l'électrostimulation cérébrale ne sont pas connus. Certains s'inquiètent que des kits d'électrostimulation cérébrale soient en vente libre sans qu'on connaisse bien les conséquences sur la santé, notamment chez les jeunes. Des résultats qui paraissent dans la revue Frontiers in Human Neuroscience. Et pour terminer, une clé USB pour dépister le VIH. Des chercheurs de l'Imperial College of London en Angleterre ont mis au point une clé USB capable de dépister le VIH dans le sang. Ce prototype, créé avec l'aide de l'entreprise de biotechnologie DNA Electronics, prélève une goutte de sang de son utilisateur et mesure son niveau d'acidité. Moins de 30 minutes après avoir été branché dans l'ordinateur, il présente à l'aide d'une application la concentration du virus dans le sang. Selon Gizmodo, cette technologie pourrait permettre aux personnes atteintes du VIH de surveiller la progression du virus. C'est important puisque l'organisme peut parfois combattre les effets des antibiotiques contre le VIH, ce qui fait monter la concentration du virus dans le sang des patients. Elle servirait aussi à aider les personnes qui se trouvent dans les régions du monde où les tests standards de dépistage du VIH sont inaccessibles. D'après le rapport publié par les chercheurs sur Scientific Reports, cette clé USB présente des résultats fiables à près de 95%. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On s'en va entendre une autre pièce de chiptune par Herbster One. Voici Great Moves, Keep It Up, LSDJ H3, Echo Robot Remix Cover. Au Massif Blanchot. êtes à CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Libérant Spooky Beats par Venom. C'était précédé de Great Moves, Keep It Up par Herbster One. On m'a fait plein de show. Et maintenant, c'est le segment geek Cynix. CELIX, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, un petit peu des fois quand on a le temps. On commence par le projet Voco, qui est un Photoshop pour votre voix. Oui, c'est bizarre, mais récemment, à San Francisco, c'était la conférence Adobe Max. Et c'est au cours de cet événement que Ziyu Jin, développeur chez Adobe, a suscité la surprise en détaillant un nouveau logiciel comparable à un Photoshop audio. Ça s'appelle le projet Voco. Concrètement, l'interface du projet peut ainsi reconnaître une voix spécifique en analysant ses modulations. Avec un enregistrement audio de 20 minutes, elle est même capable d'articuler un discours de toute pièce avec la voix en question en gardant une intonation convaincante. On ne sait pas encore si le projet Voco sera commercialisé à l'avenir, mais il est probable qu'il devienne au discours ce que Photoshop est aux images. C'est vraiment cool, j'ai pas l'extrait à faire jouer, mais c'est vraiment le fun. Ensuite, un regain d'intérêt pour le reflexe dans un secteur de la photo en déclin. Un regain d'intérêt donc pour le reflexe redonne un peu d'espoir cette année au secteur de la photo, dont les ventes continuent par ailleurs à décliner selon une étude publiée à l'occasion du Salon de la photo de Paris. Si le téléphone intelligent reste l'appareil préféré du public pour faire des photos, l'année 2016 semble marquer un tournant et plusieurs indicateurs convergent vers une plus grande aspiration à la photo faite avec un reflexe, selon le baromètre photo réalisé par Sociovision. Cela ne se traduit toutefois pas encore dans les chiffres de vente de ces appareils à objectifs interchangeables emblématiques d'une grande qualité d'image. Le taux d'équipement en reflexe des pratiquants de photos français est de 30% cette année contre 25% l'an dernier, ce qui révèle une dynamique de croissance plus forte que les années précédentes. Les jeunes sont parmi les mieux équipés. Je cite, les gens qui sont entrés dans la photo par le téléphone intelligent poursuivent avec une pratique plus passionnée. Ils ont le désir de faire des photos de plus grande qualité. Ce public est aussi particulièrement sensible au design, surtout quand il est rétro ou vintage. La caméra sportive, genre GoPro, continue aussi à bien progresser, avec un taux d'équipement de 12% contre 8% l'an dernier. Le zoom grand angle se démocratise, 15% de possession, ainsi que la perche à égo-portrait, le selfie stick, 21%, soit une progression de 10 points sur un an. Mais ses intentions de vente de Reflex progressent puisque 15% des pratiquants de photos disent pouvoir acheter un de ses appareils dans les 6 mois après, d'après l'étude de Sociovision. Ça ne se traduit pas encore dans les ventes de ces derniers mois. Le marché des appareils photo a poursuivi son sévère déclin en France. Là, évidemment, on parle du salon de la photo de Paris quand même, perdant sur un an 23% en volume à la fin septembre avec 1,7 million d'unités, selon les statistiques compilées par ailleurs par l'Institut GFK. En valeur, la baisse est de 12%. Sans surprise, c'est la catégorie des compacts qui représente la plus grosse baisse, moins 25%, même s'il représente toujours l'essentiel du marché à 1,3 million d'unités. L'étude réalisée par Sociovision a été réalisée sur un échantillon de 1535 individus représentatifs des pratiquants de photo. Est-ce qu'il y aura plus de Lego que d'humains en 2019? Depuis leur création en 78, les mini-figurines Lego ont connu un succès retentissant, à tel point qu'il semblerait, si la courbe se confirme, que leur nombre pourrait dépasser celle du nombre d'humains en 2019. La production et les ventes de Lego ne cessent de tirer vers le haut depuis plus de 30 ans maintenant. Logique, parce que la société danoise a toujours su s'adapter aux modes et aux époques, surfant sur les films à succès et évoluant les manières de jouer. Exemple, Lego Cousseau, c'est une plateforme qui permet de proposer de nouvelles créations de figurines soumises au vote des internautes. Les créations ayant rallié le plus de votes sont ensuite lancées dans le commerce. On pourrait également parler du succès de films dans les salles de cinéma qui amènent de nouvelles sortes de Lego. Une stratégie donc multi-support qui ramène toujours au produit phare la petite figurine de Lego. Alors ne vous attendez plus à être envahi par des zombies les prochaines années car ce seront les Lego qui prendront leur place, nous dit Uber Gizmo. En Finlande, maintenant, des habitants privés de chauffage suite à une attaque par DDoS. Ce qu'on appelle une attaque par délit de services distribués visant des serveurs DNS a eu pour effet collatéral de mettre hors service le système informatique gérant le chauffage de plusieurs immeubles de la ville de Lappeenranta, en Finlande. Mon accent avait l'air plus mexicain que d'autres choses ou espagnol. Le 21 octobre dernier, donc, une attaque informatique d'une puissance encore jamais vue avait fortement perturbé le réseau italien. C'est parce que je viens de parler de mon accent italien, mexicain, mais... le réseau Internet, affectant des sites majeurs comme Twitter, le forum Reddit ou encore la plateforme de publication GitHub et le service d'écoute de musique Spotify. Il s'agissait d'une attaque de type déni de service distribué qui consiste à saturer un serveur informatique en l'inondant de requêtes envoyées par des ordinateurs ou par des objets connectés ayant été infectés par un malware nommé Mirai. La cible était le service DNS de la société DIN qui se charge de traduire les noms de domaine, donc les adresses web qu'on tape dans les navigateurs en adresse IP qui correspond au site demandé. De plus en plus fréquent, ce type de cyberattaque peut avoir des conséquences directes dans notre vie réelle, comme par exemple de nous priver de chauffage en hiver. En effet, c'est ce qui vient de se passer à Lappeenranta, en Finlande, dans cette ville située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec la Russie. Une attaque DDoS visant un service DNS a eu pour effet indirect de couper le chauffage dans deux immeubles. Il s'avère que le système automatisé et connecté gérant la ventilation, le chauffage et la production d'eau chaude a lui-même été affecté par l'indisponibilité du service DNS qu'il utilisait. L'ordinateur a tenté de réinitialiser la connexion en redémarrant sans cesse. Il a fallu une intervention sur place afin de couper physiquement l'accès Internet pour que tout rentre dans l'ordre. On imagine l'angoisse des habitants de ces résidences alors qu'en ce moment, à Lappeenranta, les températures oscillent entre moins 9 et moins 3 degrés. Au final, plus de peur que de mal, mais voilà une illustration très concrète de l'impact que peut avoir le piratage d'infrastructures numériques interconnectées sur le monde réel. Justement, parlant de piratage, ils ont créé un verre informatique capable d'éteindre toutes les ampoules Philips. Un tel malware pourrait infecter toutes les ampoules Philips communicantes d'une ville comme Paris en l'espace de quelques minutes. Le fabricant, heureusement, a déjà publié un patch. Si vous utilisez des ampoules intelligentes de la marque Philips Hue, vérifiez que vos micro-logiciels firmware sont bien à jour car des chercheurs en sécurité israéliens viennent de révéler une attaque assez terrible sur ce type d'équipement. Ils ont réussi à montrer qu'il était possible d'infecter n'importe quelle ampoule de cette gamme de produits à une distance inférieure ou égale à 400 mètres et d'y insérer un malware qui va se propager d'ampoule en ampoule. Un tel verre informatique serait capable de se diffuser dans toutes les ampoules d'une métropole telle que Paris en l'espace de quelques minutes. Je cite, pour obtenir une réaction en chaîne généralisée, il suffit d'avoir un minimum de 15 000 ampoules réparties dans cette métropole, ce qui est probablement déjà le cas, soulignent les chercheurs dans leur rapport. Les conséquences d'une telle attaque peuvent être multiples. En éteignant toutes ces ampoules zombies, un attaquant pourrait plonger une ville partiellement dans le noir. Inversement, en les allumant toutes, il pourrait surcharger le réseau électrique municipal. Il pourrait également utiliser les capacités radioélectriques de ces ampoules pour brouiller les connexions Wi-Fi à l'échelle d'une ville. Les chercheurs imaginent même des piratages plus pervers. Un attaquant pourrait, selon eux, rendre les ampoules extrêmement clignotantes et provoquer des crises épileptiques dans une partie de la population. Ça y va loin, ça, non? Pour prouver leur attaque, les chercheurs ont réalisé deux petites vidéos que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com. Ils infectent des ampoules d'un immeuble simplement en passant à proximité dans une voiture, ce qu'on appelle du war driving. Imaginez-vous, genre, pas de chauffage, les lumières qui clignotent, crise d'épilepsie, la ville en noir, c'est l'apocalypse. On reste dans les gens pas corrects. Un Américain qui est condamné pour trolling. Oui, tout le monde le sait, l'Internet, c'est le royaume des trolls. Exemple Donald Trump. Derrière son écran, assuré par la sécurité de l'anonymat, il est facile d'être provocant et de semer la zizanie pour tromper l'ennui. Facile, mais pas sans danger, en témoigne cette affaire en Virginie, où la famille Moreno a gagné en justice un jugement civil à hauteur de 1,4 million de dollars. L'histoire se centre sur William Moreno, le fils de la famille, souffrant d'une forme d'autisme et de sévère dépression. Depuis déjà 6 ans, William trouve du réconfort auprès de The Fairfax Underground, qui est un forum qui lui offre une certaine échappatoire sociale. Et là, certains de ses messages concernant le 11 septembre ou la pédophilie ont été très controversés par la communauté et par un utilisateur en particulier, Michael Joseph Basson, qui a lancé une véritable campagne de trolling contre la famille Moreno au complet. William déclare ainsi que Basson était à l'origine d'une infraction dans leur maison qui a amené à une inondation de leur sous-sol. Il évoque aussi l'irruption d'une équipe de SWAT dans son domicile après avoir reçu de fausses charges l'accusant d'agresser une jeune fille en ligne. Un harcèlement sur lui et sa famille qui a mené William à menacer de mettre fin à sa vie. Basson a été accusé de harcèlement, diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. L'homme a nié toutes ces accusations et prévoit de demander au juge d'annuler le verdict. Les Moreno doutent toucher l'intégralité des 1,4 million de dollars de jugement civil, mais ils espèrent que le procès permettra une prise de conscience de la gravité du harcèlement en ligne. Voilà pour ce petit bloc sur les gens pas corrects dans Cénix. On aime ça, les petits blocs thématiques, des fois. Mais malheureusement, ça va être tout pour l'émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes d'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. On se quitte sur une pièce de Talimon qui s'appelle Up Downs. Restez à l'écoute pour Audiomatique, les gens du mercredi, et de la part de Samuel Girard et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est le Mathieu Plante et vous avez été plantés.